Moi, j'ai en charge de parler de la coordination nationale des universités qui s'est formée en janvier 2009. Quelques précautions préliminaires. D'abord, étant sociologue de profession, je mesure la difficulté qu'il y a à parler d'un tel sujet, parce qu'une coordination nationale comme celle-ci est une configuration extrêmement fluide, extrêmement complexe, à cet égard différente d'une organisation associative ou syndicale. Donc c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, là, qui n'engage que ma responsabilité, c'est que je n'ai jamais fait de recherche sur cet objet, ce que je pourrais faire, sachant le faire, ayant à ma disposition de vastes archives numériques et autres en stock, mais je n'ai jamais pris le temps... pour des raisons d'agenda du travail de recherche, de faire le travail correctement, en tout cas tel que je l'enseigne à mes étudiants. Donc du coup, mon témoignage ici n'est pas du tout un compte-rendu de recherche, mais un simple témoignage d'acteurs engagés dans cette coordination et un témoignage basé sur ma mémoire à peine renforcé de quelques contrôles dans les archives numériques sur des dates, sur des points ici ou là. Mais voilà, c'est important. J'ai jamais en fait d'intervention depuis cette époque sur ce sujet précisément pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on m'a souvent sollicité et j'ai toujours répondu, moi je prends la parole publiquement en tant que chercheur sur mon domaine de spécialité et je ne suis pas chercheur sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et là, je change de position aujourd'hui parce que, pour des raisons non pas scientifiques, mais politiques, parce qu'il y a une échéance qui me paraît très importante, celle du renouvellement du Conseil national des universités. Et à cet égard, je me réengage, moi, dans ce qui me semble être la même bataille qu'en 2009 et qui concerne notamment un domaine, et ça évidemment a introduit un biais dans mon regard sur cet objet, qui concerne la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Donc c'est complètement un discours d'acteurs engagés et pas du tout un discours de scientifique, de sociologue. Alors, pour essayer de structurer mon propos dans le temps et le papier que je vais rendre à Michel Barthélémy dans les prochains jours, j'ai repris en fait les questions qu'il a posées pour orienter cette séance, qui me convenaient assez bien pour structurer le propos. Sur les 6-5 questions, il y en a une, bon, je n'avais pas de réponse à apporter, mais 5 questions que je vais reprendre donc successivement et apporter des éléments de réponse. Alors, première question, quels ont été les éléments déclencheurs qui ont favorisé la constitution de ces modes d'organisation de l'action collective située en dehors des syndicats? Moi, je ne peux pas répondre d'une manière générale à cette question, mais seulement en ce qui concerne Paris 1. Donc je ne peux pas répondre pour ce qui concerne les autres universités en particulier. S'agissant de Paris 1, les éléments déclencheurs renvoient déjà à une réalité relativement complexe qui remonte au minimum à l'automne 2007, c'est-à-dire aux engagements contre les rues, qui ont été des engagements au sein de l'université assez minoritaires et ceux dont j'étais, qui ont été engagés à ce moment-là, étaient très déçus du peu de réactivité des autres collègues, de se retrouver à 50 en Assemblée Générale, sur 1500, etc. etc. Donc le besoin se faisait sentir, en tout cas pour moi, de trouver un moyen d'augmenter notre audience, et en particulier d'arriver à parler avec les 1500, 2000 enseignants-chercheurs de l'université. Un autre élément qui a préparé en tout cas les initiatives de la fin 2008, ça a été la constitution d'une liste de discussion au sein qui fonctionne toujours, DIF Paris 1, mais qui c'était pas la première, mais c'était la première dans son mode d'organisation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une liste de discussion en opt-out, par opposition aux listes de discussion en opt-in. Alors pour être clair, les listes de discussion en opt-in sont des listes de discussion où les gens individuellement s'abonnent de leur propre initiative. Ils peuvent ressortir suivant les modalités. Lorsqu'on parle d'une liste de discussion en opt-out, ça signifie qu'on abonne, je dirais, d'autorité une série d'adresses e-mail et qu'on leur donne la possibilité de ressortir à tout moment. Et effectivement, c'est un peu ce coup de force que j'ai fait à la fin de l'année 2007, pour les raisons que je viens d'indiquer, en mettant d'emblée 2500 adresses e-mail couvrant la totalité, enfin une grande partie des enseignants-chercheurs, une bonne partie des billatos, de Paris 1, dans une liste, et en leur disant un jour, ben voilà, vous êtes tous ensemble, vous pouvez discuter entre vous, la liste n'est pas modérée, vous pouvez sortir, rentrer, etc. etc. Effectivement, le passage des listes en opt-in, qui n'avait jamais dépassé une centaine d'abonnés, à cette configuration à 2000-2500 a changé beaucoup de choses dans la circulation de l'information interne. Et pendant toute l'année 2008, ça a effectivement préparé, à mon avis, les esprits à Paris 1 et prédisposé à mieux comprendre ce qui se passe à la fin de l'année 2008. Alors, à la fin de l'année 2008, le projet de décret sur le statut des enseignants-chercheurs a commencé à apparaître. Dans les éléments déclencheurs sont été des choses qui étaient extérieures à Paris 1. Ça a été des mobilisations. C'est-à-dire que Paris 1 n'était pas du tout la première université mobilisée sur ce domaine. Et même dans ceux qui ont lancé l'appel du 12 décembre 2008 à Paris 1, la raison de cet appel, c'était la perception d'un retard par la mobilisation de Paris 1 par rapport à d'autres universités qui étaient déjà beaucoup plus mobilisées et qui faisaient circuler des tracts, des actes. Si, Pascal, j'ai vérifié ça dans les archives numériques, qui faisaient circuler des tracts, des motions, etc., etc., syndicaux en particulier. Et donc, on le retrouve dans nos échanges e-mails. Pascal Dubuc fait partie du groupe de l'appel du 12 décembre. On se disait comment on va faire pour arriver à faire embrayer les collègues de Paris 1 sur cette mobilisation naissante à l'extérieur. Et donc, on a été 9 maîtres de conférences, tous en sciences humaines et sociales, tous d'ailleurs quadragénaires ou pas très loin. Donc, il y a assez des caractéristiques sociales assez nettes. A lancé cet appel du 12 décembre 2008, non pas à l'ensemble de la communauté universitaire française, mais c'était un appel qui était destiné aux collègues de Paris 1, pour arriver à les faire réagir. Donc c'était un appel interne, en fait. Sur deux mots d'ordre, la réforme du statut des enseignants-chercheurs et la masterisation, la réforme du recrutement des enseignants du secondaire. Il se trouve ensuite que cet appel a une audience beaucoup plus large parce que j'ai, vous allez me dire que je suis un peu monomaniaque, mais j'assume, utilisé pour diffuser cet appel un instrument qui était surdimensionné et très largement disproportionné par rapport à l'objectif local, qui était en fait une base de données email que j'ai constituée depuis 2003 avec différents systèmes informatiques en prospectant sur les sites universitaires qui réunit 90 000 adresse email couvrant la totalité des universités françaises, en particulier une bonne partie du monde journalistique, militant, etc. Et donc l'appel, c'est la base en fait de Terra Info, pour ceux qui connaissent le réseau Terra, que j'ai utilisé en utilisation privée pour diffuser l'appel du 12 décembre. Et effectivement, avec une intention qui était de me dire, pour arriver à bouger ses collègues de Paris 1, qui ont aussi des propriétés un peu sociologiques, un peu particulières, il faut non seulement s'adresser à eux par DIF Paris 1, mais il faut arriver à ce qu'ils subissent des pressions dans leur environnement de proximité respective, professionnelle respective. Or, cet environnement, il n'est pas local. Les enseignants-chercheurs sont inscrits dans des réseaux qui sont disciplinaires, largement nationaux. Donc, en arrosant, en gros, l'ensemble de la France, on pouvait espérer des effets retours qui, semble-t-il, ont effectivement fonctionné et qui ont incité très vite les enseignants de Paris 1 à venir signer cet appel. La collecte des signatures atteste d'ailleurs de ce processus très local dans son objectif, puisqu'on a mis en avant les signataires, on mettait en avant les signataires de Paris 1, en particulier les enseignants-chercheurs, mais aussi les autres catégories, non pas par égocentrisme, mais simplement parce que notre objectif initial, c'était de bouger les gens de Paris 1. Alors, le fait est que l'emploi de ces moyens dont on pourrait discuter de la légitimité, etc., etc. enfin, en tout cas, a permis d'atteindre l'objectif, et ce qui n'est pas du tout une justification, hein. mais c'est un fait, et de permettre la réunion d'une première assemblée générale au début du mois de janvier qui a appelé qui a lancé l'appel à la réunion de la première coordination nationale. Donc la première AG de Paris qui a lancé cet appel, c'était le 8 janvier. La première coordination nationale à Paris 1, c'était le 22 janvier. Alors, ceci pour retracer rapidement la genèse de ce processus. En ce qui concerne, dans la question, la relation avec les syndicats, il n'y a pas d'opposition, à mon avis, il n'y en a jamais eu d'opposition entre cette forme de mobilisation et l'action syndicale classique, en tout cas pas du tout dans mon esprit, qui ai pris ma première carte syndicale en janvier 2009, à la FERCSUB CGT, ni à ma connaissance chez les collègues initiateurs de l'appel du 12 décembre, ni à l'Assemblée générale de Paris 1, où les syndicats étaient présents. La coordination qui s'est mise en place à Paris 1 recoupait très largement l'intersyndicale de Paris 1, en étant élargie. Et pour ce que j'ai observé, moi, dans les différentes CNU qui sont donc succédées pendant le premier semestre, bon, on a eu ici ou là quelques propos antisyndicaux, on a entendu quelques critiques des syndicats, mais après tout, mais je n'ai pas du tout jamais observé de tendance lourde de nature antisyndicale au sein de ces coordinations nationales. Les syndicats y étaient d'ailleurs très présents, avec logos, affichettes, etc. L'intersyndicale nationale s'est tenue très souvent, je dirais, dans le couloir de la coordination nationale, ou dans la salle adjacente, pour des communiqués, pour beaucoup de choses. Elle était présente dans la coordination. Et contrairement à ce que j'avais pu observer en étant engagé dans une autre coordination en 1986, dans le mouvement étudiant de 86, où là, effectivement, il y a eu une opposition très forte entre les mobilisés et les syndicats, jusqu'à exclure les syndicats en fait, de la salle de la coordination, jusqu'à leur interdire de présenter leurs logos, leurs banderoles et leurs affiches, il n'y a absolument pas eu l'équivalent en 2009 dans la coordination nationale des universités. À quelles attentes particulières, deuxième question de Michel, à quelles attentes particulières ces collectifs ont-ils voulu répondre que les organisations de défense traditionnelle des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche n'abordaient pas ? Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition, je le redis, entre cette forme d'action et l'action syndicale. J'ai même pas le sentiment qu'il y ait, mais là, c'est un propos intuitif, qu'il y ait d'antisyndicalisme véritablement dans le corps des enseignants-chercheurs. Je pense plutôt qu'il y a un phénomène de non-syndicalisation. Il ne faut pas confondre la non-syndicalisation et l'antisyndicalisme. Cette non-syndicalisation, elle était évidente. C'est-à-dire que le taux de syndicalisation dans notre profession est extrêmement bas. Pour autant, ça ne débouche pas forcément sur un rejet ou une opposition majoritaire, je veux dire tendancielle, des syndicats. Il peut y avoir des antisyndicaux radicaux ici ou là, mais je n'ai pas l'impression du tout qu'ils soient majoritaires dans la profession. Sur ce qui concerne le rapport coordination syndicat, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette forme coordination nationale, c'est une forme d'abord qui correspond dans le répertoire d'action collective en France depuis plusieurs décennies à une forme bien connue, qui est devenue évidente, un peu comme la manifestation, un peu comme la pétition, un peu comme d'autres formes d'action collective. Donc on va assez vite, enfin ça c'est ce que nous montre la sociologie des mobilisations, assez vite vers ce qu'on connaît dans le répertoire d'action collective. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que dès le mois de janvier, on sentait que la vague de mobilisation était d'une ampleur considérable et qu'elle dépassait très largement, dans son ampleur et dans sa vitesse d'accélération, tout ce que pouvait couvrir habituellement le périmètre syndical ou maîtriser habituellement le périmètre syndical. C'est-à-dire qu'il y avait un déphasage évident entre les modes routiniers d'action syndicale et puis l'ampleur de la vague chez les enseignants-chercheurs en particulier. Donc on a une configuration complexe avec trois grandes variables, à mon avis, à prendre en considération. Un taux de syndicalisation très bas chez les enseignants-chercheurs, un consensus très élevé dans la profession contre les réformes en cours, le décret statut en particulier la masterisation, et une communication numérique, qui est un phénomène nouveau par rapport à des mobilisations antérieures, qui permet à des dizaines de milliers, à des milliers et à des dizaines de milliers de personnes de communiquer, d'échanger des informations, de discuter, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, la coordination nationale est apparue comme la modalité presque évidente d'organisation, y compris, à ma connaissance et pour en avoir discuté avec eux, chez les syndicalistes. À l'époque, moi, je n'étais pas syndiqué, puisque je prends ma première carte au mois de janvier, ma première cotisation syndicale au mois de janvier, mais je me souviens que ceux qui étaient syndiqués depuis longtemps n'avaient pas d'objection à cette forme-là d'organisation, et ils sont rentrés très facilement. Et même, je pense que certains, en particulier du côté du SNESUP, étaient assez intéressés par cette forme, en cela qu'à cette date, il ne faut pas faire d'erreur chronologique, la probabilité de la réussite était encore très, très faible. Enfin, on avait une grosse incertitude sur ce qui allait se passer. Rétrospectivement, on connaît l'ampleur de la vague, mais en décembre 2008, par exemple, on ne la connaissait pas du tout, et il y avait un risque de lancer des appels à mobilisation qui fassent un flop. Et je pense que les syndicats n'étaient pas prêts à assumer ce risque-là et voyaient d'un bon œil que ça soit justement une coordination nationale qui l'assume, ce risque. Une fois le succès engagé, effectivement, leur participation et leur affichage est devenu beaucoup plus facile. Donc, sous tous ces aspects, je ne crois pas qu'il y ait eu d'opposition entre cette forme-là et La crainte des syndicats, elle s'exprimait d'ailleurs à la première coordination, le 22 janvier, dans les couloirs, et un peu après, c'était qu'une coordination nationale devienne l'équivalent de SLR ou de SLU, c'est-à-dire créer une nouvelle entité stable à long terme, qui était à ce moment-là perçue comme une concurrence organisationnelle potentielle dans le champ syndical. Bon, et donc ça rejoint la troisième question de Michel, quelle place ces instances, largement informelles au départ, ont-elles pu trouver dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans l'espace de l'action collective ? S'agissant de la coordination nationale et des universités du 9, c'est une place, elle n'a pas de place, elle a purement et simplement disparu, plusieurs aspects. Alors, je dirais, elle a logiquement disparu, parce que je ne pense pas qu'il y ait ni en lui en faire le reproche, ni en s'en plaindre. En fait, cette entité coordination nationale a existé sur une période de 3-4 mois, janvier 2009 jusqu'en avril-mai, c'est-à-dire au moment de la reprise des cours. Si on peut prendre un indicateur un peu objectif, je crois que le meilleur, c'est celui des archives du site Université et Universitaires en Lutte, qui a été créé pour une fois, pas par moi, mais par un collègue, Olivier Hertscheid, qui est un site WordPress collaboratif, très ouvert. Il a donné les codes d'accès à tous ceux qui lui demandaient pratiquement dans les jours qui ont suivi la création, et qui est devenu, pour cette raison-là, le plus gros site en termes de flux de publication, de rediffusion d'informations, de communications, de communiqués de toutes sortes, relatif au mouvement. Donc c'est vraiment, à mon avis, le site central de ce mouvement. Or, je suis allé contrôler sur les archives, il a fonctionné du 26 janvier 2009 jusqu'au 15 juillet 2009 et il est à peu près inactif depuis le 15 juillet 2009, alors que les gens conservent les codes d'accès. Ils pourraient publier sur ce site librement, sans qu'il y ait de contrôle. Hein. Il n'y a pas de système centralisé de validation. Donc, voilà, si on prend le référent du site Universitaire en Lutte, à mi-juillet, il n'y a plus aucune espèce d'activité. Il y a eu quelques publications depuis lors, mais mais complètement, c'est epsilon. Hein, c'est, si on prend un autre dispositif, la liste prépa-accord national, prépa-accord NAT, que j'ai créée le 29 janvier 2009, après la première CNU, pour préparer la seconde, qui est devenue assez vite un espace de discussion parallèle à la coordination nationale, pour permettre aussi de préparer les séances successives, une liste ouverte, abonnement libre, non modéré, comme dit Paris 1, où se sont retrouvées assez vite 400 à 500 personnes, donc probablement parmi les plus mobilisées. Mais très vite, je me suis aperçu que la configuration de la liste ne coïncidait pas avec la configuration présentielle de la coordination, ce qui est un déphasage très très important, et que les renouvellements de personnes dans les séances successives de la coordination faisaient qu'il y avait une disjonction entre les deux configurations. L'influence de cette liste sur la coordination nationale présentielle, à mon avis, a été forte dans le passage de la première à la deuxième CNU, très faible dès la troisième, et très rapidement déclinante dès le mois de février-mars. Et cette liste a suivi une trajectoire, je dirais, relativement autonome par rapport à la CNU présentielle à partir du printemps et encore plus à partir de l'été, où la CNU présentielle n'existait plus. Elle a fusionné en novembre avec la liste CORD-U, qui avait été créée par Joël Petit en 2007 dans le cadre de la mobilisation contre la LRU. Elle réunit aujourd'hui 800 à 900 personnes. Elle subsiste comme un espace d'information, de discussion, qui n'est articulé à aucune organisation et à aucun système de décision collectif. Donc il y a une sorte de forum, une sorte de place publique. Elle réunit des non-syndiqués, souvent très engagés, mais qui n'arrivent pas à franchir le pas symbolique ou financier de la syndicalisation, et puis des syndiqués proches, tendanciellement, me semble-t-il, des quatre qui ont des plus résistants au décret, notamment d'avril 2009, c'est-à-dire CGT, FO, FSU, Solidaire, si on considère les votes du CSFP d'avril 2009, quelques autres aussi, de l'UNSA, de la CFDT, voilà. Tout ça pour dire que, voilà, à la question posée par Michel, à mon avis, il ne reste rien de la CNU sur le plan fonctionnel, sur le plan organisationnel. En revanche, ce qui reste, et j'ai pas le temps de développer, c'est évidemment les motifs de la mobilisation et de la formation de cette CNU. À mon avis, ces motifs de mobilisation et de formation de la coordination nationale sont toujours là, aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles on s'est mobilisé sont exactement les mêmes en 2011. Et c'est la raison pour laquelle je pense, je suis peut-être un peu plus optimiste que Jean-Louis là-dessus, je pense que les enseignants-chercheurs vont redresser la tête, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement été très fortement assommés par la défaite de la bataille de 2009, sont restés assommés en 2010 et jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'espoir qu'ils arriveront à redresser la tête à la fin de l'année 2011 dans le contexte de l'élection du prochain Conseil national des universités, parce que précisément c'est là que va se mettre en œuvre concrètement le décret qu'ils ont combattu pour ce qui concerne le statut, le décret qu'ils ont combattu en 2009. Et pour le coup, ça répond à la quatrième question de Michel, sur le plan des raisons d'agir, comment passe-t-on d'un statut d'analyse du monde social à celui d'observateur engagé qui s'efforce de peser sur le traitement public des questions importantes concernant la profession, son activité, sa mission dans la société. Si je réponds simplement à titre personnel pour ce qui me concerne, mon domaine de spécialité, qui est celui de la sociologie des politiques publiques, fait que je connais bien une tendance qui a été mise en évidence par la recherche depuis 40 ans, à savoir ce qu'on appelle l'implementation gap en anglais ou le Vollzugdefizit en allemand, à savoir que toutes les politiques publiques sont dévoyées au stade de leur mise en œuvre. C'est une tendance sociologique qui a été mise en évidence par la spécialité. On n'en trouve quasiment pas une dans laquelle on pourrait établir une correspondance exacte entre les intentions initiales des décideurs, gouvernement ou autre, et le processus concret de mise en œuvre dans les 4-5 ans qui suivent la décision politique. C'est une tendance tellement lourde que les spécialistes du domaine en sont venus à faire des recherches sur les cas atypiques, sur les situations qui paraîtraient déroger à cette tendance. Et effectivement, dans le cadre de la réélection du Conseil national des universités de l'automne, on peut développer, je n'ai pas le temps de développer, mais assez facilement penser à un certain nombre de stratégies ou de tactiques à l'intérieur même de l'appareil de mise en œuvre pour enrayer la machine, à mon avis, assez facilement, dans un contexte politique qui est celui de préparation des présidentielles en particulier, où le rapport de force entre les enseignants-chercheurs et le gouvernement sera totalement différent de ce qu'il était en 2009. Pour dire vite l'idée, il est évident que la menace d'une grève universitaire ou d'un mouvement universitaire en décembre 2011 et pendant l'hiver 2012, en pleine campagne des présidentielles, ferait courir au gouvernement une menace que, pour le coup, il ne pourra pas traiter avec le même mépris, la même ignorance et les mêmes manipulations médiatiques qu'il a employées en 2009 pour arriver à nous mettre à genoux. Donc c'est un petit peu, vous l'avez compris, l'espoir que je caresse. Cependant, pour répondre tout à fait à la question de Michel, en ce qui concerne les compétences, là, c'est un petit peu moins optimiste. J'avais, moi, personnellement, c'est pas Michel qui avait ses illusions, c'était moi, en début du mouvement, en décembre 2008, de janvier 2009, j'espérais effectivement que la profession des enseignants-chercheurs serait finalement, c'est vraiment une illusion extrêmement naïve peut-être, mais plus compétente que d'autres acteurs sociaux pour réussir sa lutte et sa défense. Bon, alors... je pense que c'était une grave illusion, une erreur de jeunesse, si vous me permettez. Voilà. Alors, j'ai perdu cette illusion, non pas après l'échec, ce serait trop facile, mais je dirais dès le mois de février, à travers justement les discussions de couleur de la coordination nationale, les discussions que j'avais dans les manifestations avec les uns et les autres, etc. Et j'ai découvert effectivement à quel point on pouvait être enseignant-chercheur dans différents domaines disciplinaires et ne rien comprendre au système politique et à la société. C'est-à-dire que... Et faire des erreurs absolument monumentales. Je me souviens de discussions avec des collègues qui ont certes fait 15 ans d'études et 10 ans ou 20 ans dans des matières diverses et variées, m'expliquant qu'ils étaient persuadés au mois de février que Nicolas Sarkozy allait démissionner ou que, de toute façon, c'était certain qu'ils allaient retirer... Alors que nous, spécialistes de sciences politiques, je me rappelle d'une réunion au sein de l'UFR de sciences politiques de Paris 1, où on était, les 30 collègues étaient là, avec des sensibilités politiques très différentes hein, à l'intérieur du collectif, mais on était tous d'accord, dès le mois de février, pour dire, c'est perdu. C'était évident que, absolument. Et ça, je peux vous retrouver la date, pour vous retrouver la date exacte, on faisait tous le même diagnostic, c'est-à-dire dès la fin du mois de février, on savait qu'il ne retirerait jamais le projet et que la bataille était perdue. Et alors, là, il y a eu un déphasage avec ce qui se passait au sein de la coordination nationale, où les collègues qui faisaient ce diagnostic comprenaient que la majorité des collègues ne voyaient pas ce qui était en train de se passer. Ils ne comprenaient pas que la stratégie de Sarkozy était effectivement de nous mener à genoux et qu'il n'avait strictement rien à faire, ni rien à perdre sur le plan politique ou électoral, à nous mener là où il nous a menés, effectivement, deux mois plus tard. Et donc, alors, ceci étant, c'est une illusion parce que, effectivement, les capacités d'analyse qu'on développe, et moi je crois à ma discipline, hein, à la sociologie, à la science politique, eh bien, sont des capacités qui sont liées à une spécialisation qui concerne en fait une, à peine, j'ai fait quelques comptes que je vous mettrai sur le papier, les spécialistes de sciences sociales au sein des, enseignants, des 60 000 enseignants-chercheurs statutaires, on les compte, ils représentent une masse de 4-5 000 collègues, guère plus. Autrement dit, 90% des enseignants-chercheurs ne sont absolument pas formés aux sciences sociales et leur capacité d'analyse de la société est certes supérieure à la moyenne de la population en raison de leur niveau d'études, mais leur niveau d'études ne les forme pas à cette compétence-là. Et dans les erreurs de diagnostic, on fait toujours aussi des erreurs de stratégie. En particulier, lorsqu'on était au sommet de la vague en février-mars, il n'y avait qu'une seule chose à faire, voyant ce qui allait se passer, c'était rentrer dans des négociations avec le gouvernement. Ça a été absolument impossible de faire passer ça dans la communauté universitaire, l'idée au mois de mars 2009 de dire il faut maintenant se mettre à une table et aller négocier avec ceux qu'on haït viscéralement, parce que si on n'y va pas, il se passera ce qui s'est passé, effectivement, ils nous mettront à genoux et on perdra la totalité. Donc fin mars, on pouvait encore aller chercher, je ne dis pas que le gouvernement serait venu à la table de négociation, j'en suis pas certain du tout, mais la première chose, oui, non, mais pour aller à une table de négociation, il faut au moins qu'il y ait un des deux partenaires qui soit prêt à y aller. Il fallait que les enseignants-chercheurs soient prêts à aller. Ils n'étaient absolument pas prêts parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner. Et donc, ils ont fait. Je peux faire juste un point d'ordre là-dessus. Ah, non. Non, juste un point d'ordre là-dessus parce que je crois que chronologiquement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que pendant l'ensemble du mouvement, je dis bien pendant l'ensemble du mouvement, un certain nombre de directions syndicales ont négocié avec le gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y avait en permanence des négociations ouvertes entre... Attends. Je ne parle pas de cela. Je finis. Non, mais... Je parle de la coordination. Non, mais il n'y avait absolument aucun grain à moudre du côté de... Ils ne voulaient pas négocier. Ils avaient décidé de nous tuer. C'est tout, c'était très clair. Et je pense que le problème n'était pas là. Le problème, c'était de savoir comment on allait se faire massacrer. Et la vraie question, elle est, c'est que mon grand regret, c'est qu'on n'a pas été capable à ce moment-là d'entraîner avec nous d'autres secteurs de la population et d'être soutenus par d'autres secteurs de la population. C'est-à-dire que nous sommes restés un mouvement minoritaire. Et la tentative de la mythique convergence des luttes, notamment avec l'hôpital et la santé, a été un échec flagrant parce que les camarades du secteur santé ne voulaient pas de cette convergence des luttes, pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient parfaitement intégré le fait, et là ils se plantaient, mais enfin peu importe, que Sarkozy céderait plus aisément à la santé que à l'université. N'oubliez pas que Sarkozy, à ce moment-là, avait dit « Rappelons-nous une chose, tout le monde a besoin d'aller à l'hôpital, mais pas tout le monde à l'université. » Je termine moi juste avec la dernière question qui va rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis, sur la question justement que posait Michel, la sixième. Plus fondamentalement, à quelles conditions une action collective pourrait-elle sortir des cadres de description formatée du discours publico-médiatique pour apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'émergence d'une problématique suscitée par l'examen d'une situation jusqu'ici non prise en compte pour elle-même. Alors la question renvoie à un ensemble de conditions que je ne peux absolument pas examiner ici. Moi, je veux simplement attirer l'attention sur une condition, mais sans pour le coup suggérer l'idée que ce serait la condition suffisante et nécessaire ou la condition principale d'un impact sur le discours publico-médiatique. Il me semble qu'il y a une... Et je vais revenir du coup à la question de l'Internet, puisqu'en étant, vous l'avez compris, une sorte d'activiste du numérique, rétrospectivement, j'ai énormément utilisé personnellement, comme d'autres, ces technologies de communication. Il me semble que la communication numérique, la communication liée à Internet, c'est-à-dire les emails individuels et collectifs, les listes de diffusion et discussion, les blogs personnels et collectifs, les réseaux sociaux, les automates d'alerte, etc., ont sans doute joué un rôle, ça me semble évident, majeur dans le déclenchement du mouvement et dans le processus de mobilisation, comme dans beaucoup d'autres configurations sociales, on le voit aujourd'hui. Elles offrent des possibilités de collaboration très nombreuses, etc. Donc une sorte de surpuissance dans la phase de déclenchement du mouvement. En revanche, à mon avis, il n'y a pas de surpuissance du tout dans ce qui concerne l'audience d'un mouvement dans la société. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe, je pense, de la communication numérique. Elle donne des moyens, effectivement, d'impulsion extrêmement forts, mais elle peut non seulement, enfin, elle donne peu de moyens d'audience en dehors du périmètre des acteurs mobilisés, et elle peut même produire cet effet paradoxal, à savoir que si les acteurs mobilisés substituent involontairement ou inconsciemment une communication numérique à une autre forme plus classique de communication qui passerait par les médias classiques, radio, télévision, presse, à ce moment-là, l'Internet peut produire un enfermement de la mobilisation sur elle-même. Et à mon avis, ça répond à ta question, sur un aspect du sujet, je pense, et j'en suis le premier, je m'inclus dans la critique, hein, c'est une autocritique en même temps qu'une autocritique collective, je pense qu'on s'est un peu laissé enfermer dans la communication par Internet et dans la communication numérique. Je vous donne simplement une analyse qui, à mon avis, illustre rapidement le propos. Pour déclencher ce mouvement, avant l'Internet, c'est-à-dire pour parler à 60 000 enseignants-chercheurs répartis sur 80 universités sur l'ensemble du pays, nous n'aurions pas eu d'autre moyen que de passer par les médias classiques. C'est-à-dire nous aurions dû décupler nos efforts de tribunes d'opinion, d'interviews à la presse, de lobbying auprès des journalistes de la télévision, etc., pour arriver à envoyer les messages simplement d'alerte et de mobilisation aux autres collègues. Et ce faisant, on aurait non seulement atteint cet objectif-là, mais nos messages destinés à mobiliser les autres collègues auraient eu une audience sur l'ensemble de la société. Alors qu'en faisant passer ces messages d'impulsion et de mobilisation par la voie des réseaux Internet qui est un média spécialisé sur la cible d'une certaine façon, eh bien le message passe, va au destinataire et produit l'effet attendu de mobilisation des destinataires du message, mais il n'augmente pas l'audience de la mobilisation sur le reste de la société. Et ça, c'est l'effet paradoxal où on a l'impression que l'Internet nous ouvre des voies de communication immenses, alors qu'en même temps, elle nous confine dans un espace professionnel et militant relativement segmenté vis-à-vis de l'espace public général de la société globale. Et je crois que pour l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer et garder à l'esprit. À mon avis, si on a raté une partie de la bataille médiatique, c'est parce qu'on était beaucoup moins présent sur les médias classiques qu'on ne l'aurait été en l'absence d'Internet et qu'on ne l'était, me semble-t-il, dans les années 60-70 pour des mobilisations équivalentes. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long.